Ça a commencé en vacances. On ne se rend pas compte au début. On est entre amis, on passe juste des moments agréables. Et puis, la nostalgie des vacances, certainement, j'ai commencé à le faire chez moi le soir, après le travail, juste pour décompresser. Je n'avais pas compris que j'étais tombé dans une spirale. Je le faisais en allant faire les courses, au parc, avec mes enfants. Mes proches ont commencé à s'inquiéter. Mais moi, je ne voyais pas le problème. Je me croyais heureux. Et puis un jour, mon chef m'a surpris en train de le faire au bureau. Et là, ma vie s'est brisée. Le naturisme est une maladie. Ne restez pas seul. Appelez le 3333, des gens peuvent vous aider. Ceci était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête?